Quatrième et dernier temps de notre semaine sur l'histoire de l'esclavage. Et aujourd'hui, nous allons donc débattre des résistances à l'esclavage et à ses suites aux Antilles françaises en particulier. Après avoir évoqué lundi la mémoire de l'esclavage au Bénin avec Gaetano Ciarcia, anthropologue, et puis mardi débattu de la patrimonialisation de la mémoire et de l'histoire de l'esclavage à l'occasion d'un colloque qui ouvre d'ailleurs aujourd'hui, et vous pouvez vous y rendre aux Archives nationales à Pierrefitte-sur-Seine sur ce thème, et hier nous être promenés au Mémorial Acte de la Guadeloupe par une émission donc qui a été conçue par Séverine Yattard et Séverine Cassard, et bien toute émission que vous pouvez évidemment écouter ou réécouter sur le site de France Culture, nous allons ce matin évoquer les révoltes et les résistances à l'esclavage à ses suites avec Séverine Yattard qui a préparé cette semaine avec nous, avec Frédéric Réjean, il est maître de conférences en histoire à Paris 1, au Panthéon Sorbonne, à l'Institut d'Histoire de la Révolution Française, il est co-auteur avec Gilles Dagonfier et Bruno Maillard chez Fayard de Libre et sans faire, paroles d'esclaves français. Nous aurons également avec nous Céline Fleury qui est chargée de recherche au CNRS à Monde Américain et membre du Centre international de recherche sur les esclavages, et elle vient de publier sa thèse Histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au 19e siècle, préfacée par Catherine Cocry-Vidrovitch. Ça s'intitule De l'esclavage à la liberté forcée et c'est publié chez Cartala à la Société des africanistes. Et également avec nous Christine Chivallon, directrice de recherche au CNRS, au LAM, à Bordeaux. Elle est auteure de L'esclavage du souvenir à la mémoire, chez Cartala, et elle sera en duplex avec nous depuis les studios de notre confrère, donc France Bleu Gironde, à Bordeaux. Bonjour à vous, Séverine Yattard. Bonjour. Bonjour à vous, Céline Fleury. Bonjour. Et bonjour, Frédéric Réjean. Bonjour. Et bonjour à distance à Christine Chivallon. Bonjour, Christine Chivallon. Vous m'entendez ? Bonjour à tous. Merci d'être oui, avec nous. Oui, je vous entends bien. Ça sera un peu plus difficile pour vous puisque vous êtes à distance, mais vous participerez évidemment au même titre que les deux autres intervenants de ce débat, à cette discussion autour des résistances à l'esclavage. Alors commençons peut-être avec vous, Frédéric Réjean. Votre livre justement « Libre et sans faire, paroles d'esclaves français » que vous avez coécrit avec Gilles Dagonfier et Bruno Maillard chez Fayard et qui vient de sortir, traite un peu de cette question justement des résistances, puisqu'en fait les témoignages que vous recueillez, ce sont des gens qui, à un moment ou à un autre, ont eu affaire avec la justice française au XIXe siècle et donc qui ont dû, à un moment ou à un autre, expliquer pourquoi ils avaient fait tel ou tel acte dans l'endroit où ils se trouvaient, que ce soit d'ailleurs aux Antilles françaises, en Guyane ou à La Réunion. Oui, ces procès sont de deux types. D'une part, des esclaves qui sont poursuivis pour des vols, des violences, pour s'être enfui, voire pour meurtre. Mmh. De l'autre côté aussi, des esclaves qui poursuivent leur maître pour traitement inhumain. Cette possibilité qui est donnée aux esclaves plutôt vers la fin de la période esclavagiste. Et donc, nous voyons à travers ces exemples un certain nombre de comportements, alors qui doivent être analysés différemment. Hein. C'est pas forcément une résistance consciente à un système, mais ce sont des résistances individuelles pour limiter l'oppression, voire pour certains obtenir la liberté. Et donc, il faut pas concevoir les résistances des esclaves comme un phénomène conscient. Enfin, ouais, imaginez la résistance des esclaves comme une sorte de maquis dans les bois avec des marrons. Donc, Et pourtant, il faudrait peut-être aborder justement cette question de la résistance plus collective et notamment la question du marronnage, peut-être avec vous, Christine Chivallon, parce qu'il y a eu justement une résistance plus collective qui précède un petit peu, même la Révolution française et les abolitions de l'esclavage. Christine Chivallon. Oui, effectivement. Si on en reste aux Antilles française où on a peu de sources, et l'ouvrage en ce sens de Frédéric Régent et de ses collaborateurs est important, parce qu'on a, c'est un grand mystère, on a très peu de sources sur la parole des esclaves dans la Caraïbe française, contrairement à la Caraïbe anglophone ou aux États-Unis. Alors si on élargit le champ, on voit que les résistances effectivement ne sont pas de l'ordre de la pulsion, mais plutôt de l'acte conscient. On connaît très bien, ça commence sur le bateau, hein, le bateau négrier, avec des actes de suicide, avec ce que les marins finiront par appeler la mélancolie, avec la création de ce qu'on a appelé à la Jamaïque les shipmates, c'est-à-dire l'équipage d'esclaves qui va se retrouver sur les plantations parfois, au hasard des regroupements. Et ces regroupements sont tels que d'avoir fait ensemble la traversée du milieu veut dire que c'est une véritable famille qui se crée, et au point que seront considérées comme incestueuses les relations entre les gens qui ont fait la traversée et qui ont créé ce shipmate. Donc on a après une typologie des résistances qui montre que cette conscience de résister à l'esclavage est bien là, notamment dans les pratiques abortives, le meurtre aussi, l'infanticide, qui va être quelque chose d'extrêmement tragique et dramatique, comme dans le cas de Margaret Garner, qui était cette femme dont Toni Morrison a fait l'héroïne de son roman Beloved, où on préférait la mort à l'esclavage. Et ça, c'est j'invite là à lire la préface de l'ouvrage sur la biographie de Benjamin Northup, de 12 Years a Slave, qui a été écrite par Mathieu Renaud et qui décrit très bien comment la mort est l'alternative radicale condition d'esclave. Ça, c'est une des formes de résistance. Mais il y en a d'autres, et notamment le marronnage, qui est la forme radicale et achevée, qui traduit la fuite des plantations et la création de communautés autonomes, voire indépendantes, par rapport au système esclavagiste. Mais ça, on l'a très peu aux Antilles françaises. On l'a plutôt dans les Guyanes, là où l'espace s'y prête, et puis à la Jamaïque aussi. Bon, je ne vais pas monopoliser plus la parole, mais il y aurait d'autres choses à dire. Cette question du marronnage, d'ailleurs, est au cœur de certains travaux actuels. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'effectivement, un des intérêts aujourd'hui de ceux qui travaillent sur la question de l'esclavage, c'est de nourrir une documentation qui permettrait de mieux connaître justement à la fois ces résistances et ces résistances organisées que vous décrivez, c'est-à-dire ces fuites organisées des plantations pour se retrouver entre soi, dans la forêt, loin des plantations, et oui, vivre d'une certaine façon en autonomie. Fortement, au Suriname, etc., dans les Guyanes françaises, c'est extrêmement important, hein, le phénomène de marronnage. Mais je crois qu'il faut décliner les résistances depuis celles qui sont à l'intérieur du système, qui sont quasi invisibles, et puis jusqu'à celles qui sont très radicales. Et à l'intérieur du système, par exemple, il existe ce que l'on a pu appeler une fausse obéissance, qu'on retrouve dans les écrits de nos collègues jamaïcains, par exemple, où s'est créé un stéréotype, le stéréotype du Kwashi, par exemple, à la Jamaïque, ou du Sambo aux États-Unis, qui marque le fait que l'esclave va mimer ou faire semblant d'eux être à l'image de ce que veut le maître. Voilà, mais par derrière, il a une autre face, qui est celle de la résistance, et qu'on lui connaît mal, et qui est tout cet univers protégé des codes du colon, et qui se traduisent dans le religieux, etc. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Frédéric Régent, sur ce point. Alors, sur la question du marronnage, il faut distinguer deux choses. Le grand marronnage et l'organisation de communautés marronnes qui se font après des événements qui sont liés, mettons, à une révolte plutôt massive. C'est le cas, par exemple, au Suriname, et qui donne des communautés telles que les Saramaca ou les Boni. C'est le cas aussi en Guadeloupe. Alors, les sources que nous avons sur une communauté marronne explique cette communauté par le fait qu'un bateau négrier s'était échoué et que les captifs qui étaient à bord ont débarqué et puis ont formé une communauté originelle. Alors, est-ce que ce récit qui émane des colons est vrai, mais en tout cas, c'est le récit fondateur de cette communauté que l'on trouve au Mamel en Guadeloupe. Le camp des Kellers, c'est ça? Oui, voilà, donc le camp des Kellers. Qui va s'organiser même en petite république, enfin, au fur et à mesure, c'est quand même des communautés, c'est une résistance collective qui elle-même s'organise, essaye de s'organiser en un système. Voilà, ils s'organisent en un système. En Jamaïque, nous avons aussi le même phénomène. Et ces communautés signent par la suite, lorsque les autorités coloniales ne parviennent pas à les réduire, signent des accords. Et notamment, nous avons des textes concernant les Kellers et d'autres communautés qui nous montrent qu'ils ne doivent pas accepter de nouveaux fugitifs. Alors déjà, en plus, ils ont des craintes par rapport aux nouveaux fugitifs. Est-ce qu'il s'agit d'espions? Est-ce qu'il s'agit vraiment bien de... Et donc, il y a des accords tacites qui sont établis entre ces communautés. Donc on a des exemples de traités à la Jamaïque, à Saint-Domingue, au Suriname. Donc ça, c'est déjà... avec cette idée qu'il ne faut pas que ça ait des conséquences sur le système esclavagiste lui-même, d'une certaine façon. Voilà. Et il y a même, dans le cas du Brésil, parfois des relations, notamment d'échanges, des relations commerciales entre ces communautés marrones et l'économie coloniale. Et donc, c'est là où on voit que, finalement, le système esclavagiste, d'un côté, est capable de s'adapter lorsqu'il sent que, finalement, la résistance est trop forte... il est capable de composer de laisser, avec. De laisser des marges, en tous voilà, les cas. De laisser des marges. Et de l'autre côté, ces communautés ont tout de même le désir d'essayer de vivre le plus tranquillement possible et signent des accords avec elles, avec les autorités coloniales. Et autre élément, ce qu'il faut voir, c'est que les communautés, notamment au Suriname, vont se trouver confrontées avec les Amérindiens qui sont sur place. Mmh. Donc, vous voyez, on est quand même dans des situations très complexes. Et maintenant, le deuxième aspect du marronnage que nous développons pas mal dans notre ouvrage Libre et sans faire, c'est le marronnage urbain. Mmh. C'est-à-dire des esclaves qui essayent de passer pour libres, qui vont travailler clandestinement et qui vont trouver des personnes libres qui sont prêtes à les rémunérer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un esclave, c'est cher. En gros, le prix d'un esclave vers la fin du XVIIIe siècle, c'est 2400 livres. C'est-à-dire qu'en gros, un propriétaire d'esclave achète quasiment à l'avance 1800 journées de travail. Mmh. Et lorsque vous avez juste une charpente à réparer ou un mur à construire, un libre ne va pas acheter ni un maçon ni un charpentier. Et donc, il y a une forme de complicité qui va se mettre en place entre... C'est-à-dire, c'est du travail, ce qu'on appellerait ça aujourd'hui du travail au noir, c'est-à-dire c'est une capacité d'utiliser le système de travail esclavagiste dans ses marges, là aussi, pour pouvoir avoir la possibilité de négocier avec lui et de trouver un moyen de faire des petits travaux temporaire à un esclave qui vient d'échapper de sa plantation. Complètement, on est vraiment dans la problématique. L'expression le travail au noir est assez. Bah non, mais j'ai fait bien évidemment exprès. On dit que justement l'expression le travail au noir aurait ses origines. Ah, de ça. Dans la. Oui, voilà. Ah bon, donc, ça, je ne savais pas. Frédéric Régent. Donc oui, on est vraiment dans la problématique du travail clandestin aujourd'hui, où celui qui propose un travail a une pression quand même sur son travailleur, parce qu'il sait qu'il n'est pas libre, il sait qu'il n'est pas officiellement libre, mais il a quand même besoin de lui en tant que main-d'œuvre. Et donc, ce marronnage urbain est quand même relativement important, et je pense qu'il est, pour des colonies comme la Guadeloupe, la Martinique, plus important que le marronnage de type communauté. Ces communautés sont, il me semble, très fermées. Voilà. Il y a cette volonté. Après, il y a un troisième aspect du marronnage, qui est voilà l'esclave qui s'enfuit pour échapper à une punition, pour rejoindre une compagne, et puis qui après qui essaye de négocier son retour sur avec son maître. Ouais. Alors, on a un cas avec Texier Lavalade donc dans l'ouvrage Libre et sans faire, où là la négociation se passe très mal et l'esclave est torturé de manière atroce. Mais voilà, il y a. Alors j'imagine qu'il faut aussi faire des temporalités dans cette histoire, Christine Chivallon. C'est-à-dire que ça n'est pas la même chose, comme le disait tout à l'heure Frédéric Régent, au milieu ou à la fin du XVIIIe siècle, après la Révolution française, une première abolition. l'abolition, le rétablissement de l'esclavage, et surtout après la révolte de Saint-Domingue, d'Haïti, de Toussaint Louverture, d'ailleurs, dont on a appris aujourd'hui qu'il avait une statue qui était inaugurée à La Rochelle en hommage à Toussaint Louverture. C'était hier, justement. Donc, j'imagine que ça n'est pas la même chose après cette révolte, parce que ce que nous racontent des historiens des États-Unis, comme Manuel Covo, c'est l'immense panique qui a pris les plantations dans tout le bassin Caraïbe, mais également au Brésil, devant la révolte de Saint-Domingue. Et donc, à partir de ce moment-là, la possibilité que ces esclaves s'organisent pour pouvoir prendre leur indépendance, d'une certaine façon, Christine Chivallon. Oui. Je voudrais juste apporter une précision sur le phénomène de marronnage. Parce que, d'une part, ce sont des guerres. Ce sont des guerres qui ont été livrées par les communautés marronnes, avec les traités dont parlait Frédéric, mais ces traités contenaient une clause qui était terrible, à savoir que les marrons s'engageaient à mater toute autre révolte. Et ça, c'est terrible. C'est le tragique qui a été très très bien décrit par Édouard Guisson, le tragique de cette expérience, qui traduit, c'est l'acte le plus héroïque, en définitive, au sein de l'univers esclavagiste, cette fuite. Cette création de, voilà, c'est l'acte le plus radical, le plus achevé, et qui va finir par être déshéroïsé par ces traités de passer avec les colons, et dont on retrouve l'expression la plus directe à la Jamaïque, quand il y a eu la célèbre révolte post-esclavagiste de Morenbe, où ce sont les marrons qui avaient leur état dans l'état, si je puis dire, qui ont maté la révolte. Donc voilà. Et puis, je voulais juste apporter, je lirai avec beaucoup d'intérêt l'argumentation de Frédéric dans l'ouvrage pour ce que l'on appelle le phénomène des libres de fait, qui pour moi n'est pas tout à fait le marronnage. Le marronnage, c'est vraiment la fuite, et soit le petit marronnage qui est une fuite de 2-3 jours où l'esclave est rattrapé ou revient, soit la fuite définitive avec la création des communautés. Voilà, alors, et sur la question de la temporalité, c'est-à-dire le fait, est-ce que après par exemple la création donc d'une république dans ces Antilles, le travail... Même après la Révolution française. Ou après la Révolution française, est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que, justement, cette question... Oui, bien évidemment. Frédéric pourra me reprendre là-dessus. C'est vrai que les révoltes qui vont ne cesser... Elles ne vont pas cesser de tarauder le système dès le départ. Hein, on retrouve périodiquement des révoltes. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que les abolitions ont été données ou elles étaient acquises? Et effectivement, ce que l'on voit, c'est une constante, c'est que tout acte qui marque un changement dans le régime est précédé d'une révolte d'esclaves. Alors c'est le cas bien évidemment à Saint-Domingue, c'est le cas pour la Guadeloupe, c'est le cas pour la Martinique, c'est le cas surtout pour le système colonial britannique, l'Empire britannique. Il va y avoir une célèbre révolte qui éclate en 1831. Je ne suis pas historienne, alors des fois j'ai un problème avec les dates. Donc qui va précéder l'acte d'abolition de 1833 et qui est la célèbre révolte de Sam Sharpe, qui est aussi appelée la révolte baptiste, parce que là encore il y a un autre domaine de résistance qu'on abordera peut-être, qui est celui de l'univers de référence qu'ont pu créer les esclaves, à part des maîtres, et c'est particulièrement le cas dans les Antilles anglophones, et parce que là, il y aura un processus d'assimilation beaucoup moins lourd et beaucoup moins important, et notamment dans le domaine religieux, on baptisera pas les esclaves, on s'occupera très peu de la destinée religieuse, entre guillemets, des esclaves, alors qu'aux Antilles françaises, on pratiquera le baptême quasi systématique, qui fait que dans les Antilles anglophones, un espace va se trouver disponible pour la résistance, c'est l'espace religieux. Et cet espace religieux va très vite se constituer en espace politique, en ressort politique. C'est pour ça qu'on appelle la révolution, la révolte de Sam Sharpe, la révolte baptiste, ou qu'on appellera aussi la guerre baptiste, de la même manière que la révolte de Morenbe, parce que ce sont, alors baptiste au sens natif, c'est-à-dire c'est pas les baptistes, les religions baptistes, c'est la religion baptiste réappropriée, réencodée dans les discours religieux hérités, retravaillés depuis l'Afrique. Alors, sur ce point, Frédéric Régent. Alors, déjà, il y a une temporalité des révoltes et de la nature des révoltes. Jusqu'à la Révolution française, il me semble que les esclaves n'ont pas conscience de la possibilité qu'il puisse exister un monde sans esclavage. Hein, je pense qu'ils sont dans cette perspective-là. D'ailleurs, et ce qui va changer beaucoup les choses, ce sont les révolutions, la révolution américaine et la révolution française. Bien sûr. En ce qui concerne la révolution française et ses répercussions dans les colonies, ce qu'il faut voir, c'est qu'en 1791... Vous avez écrit sur ce thème en particulier, c'était votre thèse, je crois, au départ. Voilà. Esclavage, métissage et liberté, la révolution française en Guadeloupe, 1789-1802, chez Grasset. Continuez, voilà. Frédéric Pageant. Donc, en 1791 a lieu une grande révolte d'esclaves, notamment dirigé par Toussaint Louverture, mais il faut préciser que Toussaint Louverture est un noir libre qui lui-même a été propriétaire d'esclaves juste avant la Révolution, noir libre affranchi. Et lorsque l'on lit la première lettre qui est adressée à l'Assemblée coloniale, dans laquelle les révoltés demandent, enfin, posent leurs revendications, ils disent. Voilà, nous, ce que nous voulons, c'est un jour de plus pour que les esclaves puissent travailler pour eux. Donc, généralement, les esclaves avaient le dimanche, jour religieux, le samedi, jour pour s'occuper de leur jardin. Ils demandaient donc les 3 jours. Ils demandaient l'abolition du fouet et ils demandaient l'affranchissement de 400 chefs. Donc, on n'est pas dans une perspective, à ce moment-là, de bouleversement du système esclavagiste. C'est plus tard, donc en 1793, que... on voit avec l'abolition qui est décrétée par Sontonax et Paul Verhel dans un contexte très compliqué où finalement tous les esclaves sont armés et donc l'armement d'esclaves sous l'Ancien Régime permettait d'obtenir l'affranchissement. Et donc en gros c'est quasiment un affranchissement collectif qui se fait de gens qui sont presque libres de fait étant donné qu'ils sont tous armés et Sontonax dit voilà, nous avons besoin de soldats pour la République. Et donc, le meilleur moyen d'avoir des soldats, c'est de proposer la liberté à tous. Mais vous c'est expliquez aussi, Frédéric Régent, dans votre thèse, comment ces écrits des abolitionnistes, des philanthropes en France vont quand même à circuler. Il y a la Société des Amis des Noirs, certains sont à Paris et fondent une association. Et ça circule notamment, vous expliquez, par les marins qui eux-mêmes transmettent, par exemple, aux esclaves qui déchargent les bateaux. Enfin, que quand même, il y a une sorte de diffusion de ces idées révolutionnaires en tous les cas. Tout à fait, il y a une diffusion de ces idées. D'ailleurs, ce qu'il faut voir, c'est que dans les ports, ce que l'on appelle les noirs de pirogue sont en contact avec les marins, que ces personnes-là, ce sont les travaux de Marcus Rydeker et également de Julius Scott, qui montrent, enfin deux auteurs américains, qui montrent cette communauté presque de élaboration de communauté de classe, de souffrance de classe. Enfin, faut quand même pas oublier une chose. Marcus Rydeker, c'est à bord du navire négrier, c'est ça. Voilà, à bord du navire négrier. Auparavant, donc ces ouvrages qu'il a écrits sur les marins à bord des navires. Faut pas oublier que le fouet, par exemple, dans la marine, est aboli en 1848, comme l'esclavage. Que les peines dans la marine, c'est les fers et le fouet, les mêmes peines que qu'encourent les esclaves. Et donc il y a des solidarités que l'on voit notamment à travers une partie, enfin minime, mais il y a quand même quelques cahiers de doléances qui demandent l'abolition de l'esclavage des nègres. Et je crois que dans le combat pour l'abolition de l'esclavage, il y a quand même des connexions très fortes qui se font entre d'un côté les esclaves qui se révoltent et puis la circulation de ces idées philanthropiques. Voilà. que los negros libres serán. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Et à 9h32, nous continuons notre émission en écoutant Shirley Verrett, le Lamento Esclavo, composé par Eliseo Gurenet Sanchez. Donc, parce que nous parlons toute cette semaine d'esclavage dans la fabrique de l'histoire, et plus particulièrement aujourd'hui de la question des révoltes, des résistances à l'esclavage à l'intérieur des sociétés esclavagistes. Christine Chivallon, si ce sujet est aussi d'actualité dans la recherche, c'est parce que il y a une volonté, c'était Myriam Cotias qui nous disait ça mardi, il y a des travaux qui portent sur cette question-là, nombreux, et qui d'une certaine façon reprennent d'autres systèmes qui ont eu pour particularité d'avoir des contraintes sur corps très très fortes, et même de conduire à la mort de millions de personnes, comme le système nazi, la question de la Shoah. Il y a cette question aussi de se dire, il y a des acteurs qui étaient conscients d'être acteurs, qui ont eu une volonté politique à un moment de ce que je crois les chercheurs américains appellent l'empowerment, donc de prendre conscience, de prendre leur destin en main. Christine Chivallon. Oui. Alors, la première partie de votre question qui porte sur le renouveau entre guillemets de l'intérêt par rapport à ces questions. Je pense qu'il est déjà ancien. Il n'a pas été tellement insufflé parce que moi j'appelle la vague mémorielle qui démarre au milieu des années 90 et 98 en particulier au 150e de l'abolition de l'esclavage. Il y avait déjà des études qui remettaient en cause une vision, et notamment aux Antilles françaises, une vision fortement eurocentrée, et pour montrer puisqu'on était dans cette période de ce que l'on a appelé la thèse de l'aliénation, qui dit thèse de l'aliénation, qui a duré et qui a été très influençable jusqu'aux années 90, au début des années 90, thèse qui justement rendait l'esclave et ses descendants comme ayant subi une histoire. Ce sont les termes d'Édouard Glissant, mais on le retrouve dans une ample littérature, un pays, des pays sans histoire, des pays à la mémoire raturée, et ces études-là vont montrer à travers soit l'anthropologie, l'histoire, qu'il y a une alternative à cette aliénation et qui est dans les pratiques étudiées de la part des descendants d'esclaves, qui montre qu'il y a eu prise en charge de son destin, prise en charge de sa liberté, prendre parti dans l'histoire elle-même et changer les termes de l'histoire. Et là je fais particulièrement référence à la période post-esclavagiste et notamment aux Antilles françaises, qui revoit la structuration des rapports sociaux. On attendait de l'abolition qu'elle crée un régime du travail de type de salariat, et après l'abolition, c'est ce que notre collègue historien malheureusement décédé Alain-Philippe Lérald appellera les contre-tendances à la mise en place d'un prolétariat rural, c'est-à-dire une paysannerie noire, qui sera la caractéristique de toute la Caraïbe pratiquement, qui est une composante qui s'oppose, qui résiste au régime des plantations, qui va durer, il faut le dire, bien après abolitions. C'est d'ailleurs le thème, Céline Flory, de votre livre, donc votre thèse, qui vient tout juste de paraître chez Cartala, la Société des Africanistes, avec une préface de Catherine Cochry-Ridrovitch, qui s'appelle donc « De l'esclavage à la liberté forcée, histoire des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au XIXe siècle », et qui nous raconte une histoire, personnellement, je ne connaissais absolument pas. C'est donc la période donc de débat et de discussion à partir de 1815 sur 1815, parce que dans le cadre du Congrès de Vienne, les Britanniques sont très actifs sur cette question de la question de l'esclavage et de son abolition future. Donc il y a beaucoup de discussions internationales sur que va-t-on faire de ce régime de plantation et comment va-t-on continuer, s'il est possible, à le faire tourner. Si on abolit l'esclavage, et là, on invente, et c'est ce que vous racontez dans votre livre, on invente tout un tas de substituts à cet esclavage, des manières de faire, le rachat, etc., etc., que vous décrivez très précisément et qui mettent longtemps à se mettre en place parce qu'il y a des discussions internationales sur ce sujet, Céline Flory. Oui, tout à fait. En fait, dès les premières lois internationales, si on peut dire, sur l'abolition de la traite, donc 1815, commence à être réfléchi d'autres modes de travail pour avoir une main-d'œuvre encore servile. Une main-d'œuvre sous contrainte. Et il y a notamment ce système de langagisme que les Français vont mettre en place 4 ans à peine après 1848, en fait, qui consiste à faire venir des travailleurs sous contrat d'engagement de travail. Donc c'est vraiment des migrations qui sont encadrées par l'État français. Et ces travailleurs vont venir d'Inde, de Chine et aussi d'Afrique. C'est-à-dire que, et moi j'ai plus particulièrement travaillé sur ces travailleurs africains. Alors, et quels sont ces contrats alors justement, parce que c'est... Oui. Et en fait, déjà la mise en place de langagisme, et c'est là aussi on peut retrouver une forme évidemment de résistance. Ça, c'est vraiment demandé par les grands propriétaires terriens, donc les planteurs, les anciens maîtres, qui font pression sur l'autorité coloniale justement. Pour saper les revendications sociales et politiques des anciens esclaves, qui ont une très forte demande autour du salaire et de la terre, comme l'a un peu évoqué Christine, et alors que les autorités coloniales et les planteurs sont vraiment, eux, à vouloir maintenir autant que possible le système socio-économique de la période esclavagiste. Donc là, on a vraiment un affrontement de deux projets de société, et l'engagisme va être mis en place pour pouvoir, saper ces revendications locales. Donc, 18 000 travailleurs africains qu'on va faire venir, un peu plus de 18 000 travailleurs africains qu'on va faire venir à partir de 1852, c'est ça ? 54. Oui. 54, dans les Antilles françaises en particulier, dans la Caraïbe. Et ces 18 000 travailleurs africains ne sont qu'une partie, vous racontez bien, cela, Céline Fleury, de ces nombreux travailleurs qu'on va essayer d'aller chercher ailleurs, sur le continent asiatique en particulier, pour pouvoir continuer à faire tourner cette économie. Mais alors, c'est une ambiguïté terrible, parce qu'il faut inventer un contrat de travail particulier pour ces gens qu'on va chercher en Afrique. On les rachète, dit-on, à des esclavagistes, en leur promettant qu'au bout de 10, 12 ou 14 ans de travail sur la plantation, par exemple, eh bien, ils seront définitivement libres. C'est une sorte de contrat à temps où on dit, au bout d'un certain temps, vous allez devenir libre, mais pendant ce temps-là, vous allez payer d'une certaine façon vous-même votre libération par le travail que vous allez fournir sur la plantation. Ça, c'est très étonnant. Oui, et c'est exactement ça. En fait, il faut préciser qu'en effet, l'engagisme est un système beaucoup plus général. Il y a eu plus de 100 000 travailleurs engagés, donc indiens, chinois et africains, qui vont arriver aux Antilles et à la Guyane française. Il y a eu aussi le même système pour la Réunion. Mais dans cet engagisme, normalement, les travailleurs signent un contrat dans le port de départ. Théoriquement, donc ils sont de statut libre, normalement, et volontaire. Sauf que vous dites qu'il y en a 7% qui sont véritablement libres, et tous les autres ne le sont pas. Voilà, et la spécificité, si on peut dire, de l'engagisme africain, c'est qu'en effet, il y en a 7% qui sont vraiment de statut libre et volontaire au départ, mais j'ai pu démontrer qu'en fait, on leur avait menti sur les conditions de leur engagement. Et que certains, d'ailleurs, revenaient en Afrique très rapidement. Donc ça relativise la notion de volontariat, mais la spécificité vraiment de ce système, c'est que 93% d'entre eux sont recrutés via un procédé qui est dénommé le rachat préalable de captifs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ils sont captifs, ils sont achetés par des recruteurs français autorisés par le gouvernement français sur des marchés négriers encore actifs, notamment sur la rive droite du fleuve Congo, principalement. C'est pour ça qu'on les appelle les Congos aux Antilles. Voilà, exactement, ça donnait ce terme. Et en fait, après l'achat, il y a un affranchissement théorique, mais en fait, on leur impose un contrat d'engagement de travail de 10 années, contrat de travail sur lequel ils sont mentionnés comme noirs libres. Mmh. Et évidemment, quand ils arrivent aux Antilles, à la Guyane, il n'y a plus d'esclavage, donc il ne peut y avoir que des individus libres. Mais en fait, ils sont soumis à ce système de travail qu'il faut le préciser, place tous ces engagés hors du droit commun. Ils ne sont pas sous le même statut que la population locale. Ce sont des contrats qui sont insécables. Donc on ne peut pas casser ce contrat de travail. C'est pour ça qu'on appelle ça du salariat bridé ou du travail contraint. Et pour eux, point de rapatriement. Et ils n'ont aucune... ils n'ont pas du tout leur mot à dire. D'ailleurs, les contrats ne sont pas signés. C'est extraordinaire de penser que pendant que est en train de se faire, Karl Marx est en train d'écrire ses grands travaux sur le capital, et que là il y a quand même quelque chose qui résonne, en tout cas sur l'usage de ces ouvriers, non pas dans les manufactures anglaises, mais en l'occurrence dans les plantations. Mais ce que vous expliquez aussi, Céline Fleury, c'est que il va y avoir quand même des revendications de la part de certains de ces engagés, et puis qui portent notamment sur par qui sont-ils engagés, pour qui doivent-ils travailler. Et vous citez dans votre ouvrage des exemples où certains protestent, ils sont censés travailler pour l'administration coloniale et ils se retrouvent à travailler pour les planteurs qui sont encore là et qui les payent très mal ou ne les payent pas, les nourrissent mal, les logent mal. Et donc, ils vont porter leur requête qui, généralement, sont passées à la trappe. Oui, là on peut, par rapport à notre thématique, ce qui est très intéressant, comme j'ai pu mener une étude comparative entre du coup les Africains de statut libre avant engagement et les rachetés, ils vont avoir des modes de réaction de résistance différents, tout au moins dans les premières années. Et par exemple, ceux qui sont de statut libre, eux ont déjà en fait travaillé. En général, ils sont francophones ou anglophones. Ils sont recrutés dans des comptoirs africains, européens de la Côte d'Afrique. Et ils ont déjà travaillé pour l'administration coloniale. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent s'engager volontairement et se dire « je vais traverser l'Atlantique pour aller travailler en Guyane ou en Martinique ou en Guadeloupe ». Et eux vont avoir un mode de résistance plutôt dans un premier temps par des voies légales. C'est-à-dire qu'ils portent plainte, ils vont faire des grèves. Enfin, on voit qu'ils ont. Ils connaissent les codes. Voilà, ils ont exactement les codes sociaux, linguistiques et culturels de sociétés coloniales. Et du coup, c'est travailler aussi sur leur réaction permet de voir ce qu'ils avaient en tête quand ils se sont engagés et sur quels termes eux pensaient s'être engagés. Et comment ils ont été trompés, au bout du compte. Et comment ils ont été trompés. Et pour les racheter, on retrouve vraiment une continuité avec l'esclavage. C'est en effet des captifs qui sont transformés en engagés de façon fictive. Et ce contrat, c'est vraiment une fiction juridique. Quand ils arrivent, il y en a qui se sauvent dès les premiers temps. Et ça va être plutôt du marronnage, en fait. Mm-hmm. Et parce qu'ils ne maîtrisent absolument pas les codes de cette société. Frédéric Régent. Oui, alors je voulais ajouter, il faut savoir que le système de plantation sont des entreprises fortement capitalistes qui sont déjà dans le premier circuit de la mondialisation et qui ont une innovation technique très importante. Mmh. Dès 1815, par exemple, à La Réunion, il y a déjà des moulins à vapeur, alors que la machine à vapeur, enfin en 1815, faut penser la France de 1815, c'est quasiment pas utilisé. Pour la Guadeloupe, les usines centrales sont mises en place en 1800, dans les années 1840, et ensuite, vous avez tout un réseau de voies ferrées. C'est la proximité des États-Unis, ça, Frédéric Régent. Pourquoi ça se diffuse plus rapidement, justement, cette technologie. Alors, ça se diffuse parce que nous avons affaire à des gens qui ont des moyens financiers très importants et avec des investisseurs également en métropole qui voient dans ces productions de sucre des possibilités de rendement très importants également. Donc, ça se diffuse. Enfin, voilà, la révolution industrielle a lieu dans ces colonies de production sucrière. Ça, effectivement, on l'apprend en vous lisant tous et toutes. Et ce qu'on apprend aussi, c'est combien cette question de l'esclavage est mondialisée. C'est-à-dire en vous lisant les uns et les autres, on voit bien que on ne réagit pas simplement sur son île, d'une certaine façon. On est dans un système mondialisé. La concurrence avec les autres pays, en particulier avec la Grande-Bretagne, est importante. Et puis vous dites aussi que à partir du moment où la colonisation se met en œuvre véritablement sur le territoire africain, ben il va y avoir là concurrence entre les vieilles Antilles qui sont l'ancien modèle esclavagiste, etc., et puis les nouvelles colonies qui mettent en œuvre dans la deuxième moitié du 19e siècle en Afrique, eh bien un nouveau mode de production, des nouvelles façons de travail forcé par exemple, et que la concurrence va être très vive entre ces deux parties, ces deux côtés de l'Atlantique. Céline Fleury. Oui, tout à fait. En fait, on voit vraiment qu'il y a des enjeux diplomatiques et politiques énormes pour capter la main d'œuvre, mais c'est vraiment vraiment mondialisée, puisque en fait ce système, par exemple, de travailleurs africains par rachat, le gouvernement français savait très bien que ça allait déclencher les foudres de l'Angleterre qui associe ce système à une traite négrière déguisée. Et du coup, en fait, clairement, quand on travaille les archives diplomatiques, le ministère de la Marine et des Colonies dit clairement pour obtenir des travailleurs indien sur les territoires britanniques en Inde, on n'a pas de moyens de chantage. On va mettre en place l'immigration africaine par rachat. Ça va déclencher les foudres de la Grande-Bretagne, ce qui se passe. Et du coup, ils négocient. Et en effet, en 1861, là, le chantage fonctionne. Ils obtiennent une convention franco-britannique et la Grande-Bretagne ouvre ses territoires en Inde pour le recrutement d'engagés indiens. Évidemment, dans une mondialisation qu'on connaît aujourd'hui, quand on voit effectivement le déplacement des usines du sud-est asiatique vers l'Afrique, l'Éthiopie aujourd'hui, parce que la main-d'œuvre coûte moins cher, ça fait énormément réfléchir que de voir que déjà au milieu du 19e siècle, ce que vous racontez, la deuxième moitié du 19e siècle, Céline Fleury, ces questions de coût du travail, de façon de pouvoir déguiser justement un travail forcé en un travail libre, par exemple, sont déjà à l'œuvre. Oui, et par exemple, comme vous l'évoquiez, il y a à la fois ces tensions diplomatiques entre grandes puissances et aussi... Par exemple, le gouvernement français va avoir du mal, en fait, à recruter même par rachat, parce qu'il y a énormément de tensions en Afrique même. Alors, avec la Grande-Bretagne, avec le Portugal, mais aussi avec la République afro-américaine du Libéria, avec le Royaume du Dahomey, où ils essayent de recruter à un moment. Et parce que, comme vous l'avez dit, on est au milieu du 19e siècle, on est vraiment un tournant entre deux empires coloniaux. Et juste pour citer donc Faidherbe, qui est le premier gouverneur du Sénégal, et en 1855, qui commence un peu la conquête des royaumes adjacents à Gorée, lui dit, donc le gouvernement français lui demande d'aider au recrutement d'Africains, enfin de travailleurs africains engagés, et lui répond, en gros, les Antilles c'est fini, l'avenir c'est ici et maintenant, et les bras c'est ici qu'on en a besoin. Donc il y a énormément de tensions déjà au sein de l'Empire. Un réalisme politique terrible. Ce qui montre, c'est ce qu'on lit en vous lisant Céline Fleury, mais aussi en vous lisant Frédéric Réjean, l'ambivalence de ce siècle des abolitions, en particulier le 19e siècle, c'est-à-dire cette grande ambivalence, on se fixe sur cette date, 1848 pour la France, 1833 pour la Grande-Bretagne, et on se dit voilà, c'est bon, c'est le siècle des abolitions, et après tout est terminé, etc. Et en lisant Céline Fleury, en vous lisant tous, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus ambivalent que ça, que on a des inventions langagières qui permettent de cacher le travail forcé ou le travail esclavagiste, de le déguiser autrement. On dit racheter pour libérer, coloniser pour libérer. C'est très très étonnant tout cela, Frédéric Réjean. Oui, c'est très étonnant, d'autant que la République, finalement, la Seconde République, ne dure pas très longtemps. Dès 1849, donc Louis-Napoléon Bonaparte est au pouvoir. D'ailleurs, il y a même une crainte de rétablissement de l'esclavage à nouveau en Guadeloupe. Le suffrage déjà universel, le tonton, ça leur disait quelque chose, oui, Napoléon. Voilà. Donc le suffrage universel est supprimé immédiatement. Et lorsque, en 1870, il y a à nouveau la République, alors bon, peut-être que Christine Chivalon évoquera cette révolte qui a lieu dans le Sud, où le mot de République interpelle et provoque, enfin, je lui laisserai le soin d'en parler, vu qu'elle est plus spécialiste que moi de ce mouvement. Et on assiste à une forme d'ambiguïté complète, c'est-à-dire, si on prend l'exemple de la Guadeloupe, on se retrouve avec des travailleurs qui ont un statut à part, qui ne sont pas considérés comme citoyens, les Africains et les Indiens. Il ne faut pas oublier que 42 000 Indiens vont arriver en Guadeloupe entre 1854 et 1892 sur une population qui comptait 130 000 habitants. C'est quand même énorme. Alors si on prend la Réunion, c'est encore plus. Ouais. L'île Maurice, c'est 500 000 pour une population de 60 000. C'est incroyable. Et donc, on a affaire donc des colonies où il y a des citoyens, parce que malgré tout, les descendants d'esclaves sont citoyens en 1848, puis avec le droit de vote en 1870. Et de l'autre côté, des développements de colonies, je vais appeler ça d'indigènes, enfin, où il y a à la fois des gens qui ont la citoyenneté, les colons, certains qui ont été naturalisés français, et d'indigènes. Voilà. Christine Chivalon, à propos de cette révolte de 1870, mentionnée par Frédéric Réjean à la Martinique. Oui. Alors, c'est vrai que c'est très intéressant tout ce que vous venez de dire, ce que vient de dire Céline par rapport à cette tentative de après les abolitions, de faire perpétuer un système qui est en train de complètement s'essouffler et qui va effectivement être relayé par d'autres lieux, et notamment la colonisation en Afrique, et malgré tout, une tentative qui va durer jusqu'au, on peut dire, jusqu'au milieu du XXe siècle, de faire vivre ces économies qui sont complètement essoufflées, affaiblies, etc., et d'où l'exode vers les villes, etc. Ce qui se passe après l'abolition, la révolte de 1870, ce n'est ni plus ni moins que l'expression de la part des anciens esclaves d'une critique vive vis-à-vis du système qui restait quasi inchangé. Schœlcher parlera de quasi-retour à l'esclavage avec les mesures prises pendant le Second Empire. Et ce dont on se rend compte, c'est que ces insurgés sont... J'ai intitulé un article « Plus républicain que la République », c'est-à-dire que ils sont, c'est eux... C'est au nom de la République, c'est au nom de la République qu'ils se révoltent. C'est au nom de... en étudiant les actes du procès, alors j'ai eu la chance de retrouver les descendants de certains insurgés, alors qui portent dans l'entre-soi familial le témoignage, un témoignage politique, alors dont on pourrait dire, attention, il est transformé, transfiguré au cours des générations, etc., mais on arrive à extraire cependant quelque chose qui est de l'ordre d'un discours de l'intimité familiale qui n'a rien à voir avec les archives, qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut apprendre dans les livres scolaires ou auprès des historiens, et qui montre effectivement ce que le philosophe guadeloupéen Jacques Idahomé appelle la pulsion d'égalité, la culture de la contre-plantation, et c'est au sein de la République, dans l'idéologie républicaine, et c'est ce qui fait toute l'ambiguïté des Antilles françaises, parce que tout le temps, quand il y aura des poussées républicaines, la résistance se placera en fait aux côtés de, entre guillemets, l'oppresseur ou du colon, puisqu'il y a une convergence de vues, et en 1870, effectivement, c'est un cri pour la liberté, pour la République. Mais vous montrez aussi, Catherine Chivallon, que c'est la formation d'une classe aussi, cette paysannerie noire qui collectivement se révolte et fait ses revendications, appuyées évidemment sur ses idéaux de la République. Voilà, alors la révolte se fait au nom de Vive la République. Vive la République et mort à Codé, qui est le nom d'un planteur, c'est-à-dire qui symbolise, qui polarise sur lui tout ce qui est de l'ordre de l'oppression raciale, de la hiérarchie raciale. Cette révolte, on peut pas dire qu'elle donne lieu, alors là ça serait rentré dans des considérations peut-être un peu trop pointues, qu'elle donne lieu à la formation d'une classe. C'est plutôt quelque chose de l'ordre de c'est vrai que j'aime bien ce mot pulsion. Il y a une culture très forte aux Antilles qui est de l'ordre de la liberté. C'est ce que Paul Gilroy appelle aussi l'esprit critique populaire, dit, par exemple, Richard Price, par exemple, l'anthropologue. Voilà, et c'est ce qui fait que on peut pas dire qu'il y ait formation organisée, dogmatisée, dirais-je. C'est plutôt on retrouve au sein de la révolte cette culture qui s'interdit de se cristalliser autour de figures et de devenir absolument dogmatique. Et s'il y a du dogmatisme, parce qu'il y en a bien sûr dans les cultures antillaises, ce dogmatisme va se démultiplier de manière à éviter qu'il n'y ait qu'un corps de dogmes politiques, idéologiques, religieux, etc. D'où cette prolifération politique, religieuse. Mais pour revenir à 1870, à cette révolte, elle est très importante du point de vue de ce qu'elle signifie pour l'idéologie républicaine, parce qu'elle met en place ce que je n'hésiterai pas à appeler une république raciale, puisque au cours du procès va se mettre en place un sorte de pacte républicain qui demande de ne pas voir que la société reste structurée à l'identique, et notamment au travers de la hiérarchie des races. Et on va faire reposer sur les insurgés le fait de réveiller des clivages de races qui seraient oubliés. Or, les clivages de races sont bien là, et le matage et la répression de cette révolte, de cette insurrection, montre bien l'idéologie coloniale qui va perdurer et qui va biaiser, je pense, le rapport à la République, C'est ce que vous racontez, il faut terminer notre émission, et c'est ce que vous racontez dans vos nombreux articles, et dans votre livre en particulier, L'esclavage et souvenirs à la mémoire, et c'est ce que vous racontez jusqu'à très récemment, 2009, la lutte contre la profitation, etc., dont vous dites qu'elle est, elle aussi, liée à cette longue histoire, justement, de cette volonté de liberté. Oui, d'un pacte républicain sur quelque chose de... qui est resté dans l'indicible, d'accord, qui est du non-dit, et qui est un pacte qui est biaisé dans la mesure où il repose sur on demande aux insurgés, à leurs descendants, de rendre invisible ce qui est hyper visible dans la société antillaise. Frédéric Réjean, vous êtes d'accord avec cette analyse? J'ajouterai une chose, c'est qu'il y a eu un ouvrage qui est sorti récemment par Sylviane Larcher, l'autre citoyen, qui aborde aussi cette question de la révolte de 1870. Alors les rapports avec la République sont extrêmement compliqués, parce que en 1946, pour mettre fin finalement à cette spécificité législative d'une colonie de citoyens, qui était Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, il y a eu la demande de départementalisation. Mais qui voulait une égalité réelle. Et cette égalité n'a pas été donnée. Et on sait combien Aimé Césaire, qui avait plaidé pour la départementalisation, a été ensuite critique par rapport au résultat de cette départementalisation. Déjà obtenir les droits sociaux. Finalement, les droits sociaux, c'est que très tardivement. Les allocations familiales, c'est dans la fin des années 70. Le SMIC égal, c'est sous la présidence de Jacques Chirac. Donc, vous voyez, et encore aujourd'hui, François Hollande, dernièrement, a à nouveau parler d'égalité réelle. Merci à tous les trois d'avoir évoqué brièvement, mais avec beaucoup d'intérêt, cette longue question donc des résistances et des révoltes à la question de l'esclavage. Je ne peux que conseiller à nos auditeurs de lire L'esclavage et souvenirs à la mémoire de Christine Chivalon, qui était une de nos invitées. Frédéric Réjean, Esclavage, métissage, liberté, la Révolution française en Guadeloupe, c'est chez Grasset, mais plus récemment, cette année, Frédéric Réjean, Gilles Dagonfier, Bruno Maillard, chez Fayard, dans la collection Histoire libre et sans faire, parole d'esclaves français, et puis la thèse de Céline Fleury, qui elle nous en a parlé tout à l'heure, de l'esclavage à la liberté forcée, est publiée chez Cartala. Merci à tous les trois. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vanna Bolivier et Aurélie Marseille. Lise Leheu était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation.